Épilogue. Puis il sort de la maison comme s'il avait le diable aux fesses. C'est à n'y rien comprendre. Où sont passés les violons? Lorsqu'il revient 2 heures plus tard, il lâche sobrement. Je suis allé changer mes essuie-glaces. J'avais besoin d'y voir plus clair. Faustine rit. C'est tout lui, ça. Quand elle déclare qu'elle va quitter Gilles, 1000 fois Vincent lui demande. Tu es sûre, absolument sûre de vouloir quitter ton mari? Oui, j'en suis sûre, j'ai bien réfléchi. Je suis certaine désormais que rien ne pourra le changer. Tu sais, je l'ai épousé sur un coup de panique. L'horloge tournait, je vieillissais, et puis on m'a tellement fait comprendre. Qui on? Maxime, la société, les médias, ma famille, on m'a tellement fait croire qu'il n'y aurait pas de seconde chance. Et moi je voulais un bébé à tout prix. C'était devenu une obsession, ça prenait toute la place. J'ai pas réfléchi, j'ai foncé sur la première opportunité, et c'était lui. Ça aurait pu bien se passer, tu sais, s'il n'y avait pas eu l'alcool. Malheureusement, ça a tourné au gâchis, même si nous avons tout essayé pour tenter un sauvetage, tu te souviens? C'est vrai que je me suis beaucoup impliquée là aussi. Alors, puisque tu es sûr de toi, nous allons partir ensemble. Nous ferons les choses le plus proprement possible, bien sûr. Mais il faut que tu sois consciente que nous allons devenir de vrais parias. Nos familles vont nous rejeter, nous honnir parfois. Sauras-tu le supporter? Même pas peur. Et Julie, je ne m'en séparerai jamais. Je ne vous imagine pas l'une sans l'autre. Ça ne sera pas facile, mais je sais que nous serons heureux. D'autant que je ne suis pas un cadeau. Malade, fauché, couvert de dettes. Impossible de prédire si je pourrais gagner ma vie à nouveau un jour. Même ainsi, tu es plus solide que moi, surtout maintenant. Je sais que je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Dès qu'elle le peut, Faustine prend son courage à deux mains pour une grande explication avec Gilles. Elle parle sans discontinuer pendant 2 longues heures, défendant ses arguments point par point. Au final, elle a l'impression que Gilles est presque soulagé de cette rupture, même si son orgueil lui interdit encore d'en convenir. Vincent et Faustine entament leur vie commune 1 mois plus tard. Ensemble, vent debout, ils traversent les remous de la vie. Grâce à l'humour de Vincent, au pragmatisme de Faustine, ils ne s'en tirent pas trop mal. Faustine apprend le secret du contentement. Vincent sait désormais qu'on ne peut pas tout contrôler. En octobre 2022, ils célébreront leurs noces d'acajou. Fin. La suite des aventures de Vincent et Faustine a été éditée sous le titre « Comme si le soleil brillait partout ». La suite de la suite est en train de s'écrire sur la trame de leur vie. Lue pour audiocité.net par Christina Schwab.